Alors, comme je l'ai dit auparavant, vous allez pouvoir create beaucoup de mots grâce à cette dernière transformation. Mais je voudrais revenir à notre verbe to be et à ses traductions en français. Nous avons déjà vu que to be peut être équivalent à faire en français, comme dans it is cold, il fait froid. Mais to be peut aussi parfois être rendu par le verbe avoir en français. Par exemple, vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas que j'ai faim se traduit en anglais I am hungry, littéralement je suis affamé. Donc on ne dit pas j'ai faim, mais je suis affamé, I am hungry. H-U-N-G-R-Y. Pour dire j'ai soif, ça va être la même chose. Donc on dira je suis assoiffé. Sachant que thirst, c'est la soif, suivant la transformation que nous venons de voir, assoiffé se dira thirsty. Thirsty, oui. T-H-I-R-S-T-Y. Alors, comment direz-vous « Je n'ai pas faim, mais il fait chaud et j'ai soif. » I'm not hungry, but it's hot and I'm thirsty. I'm not hungry, but it's hot and I'm thirsty. Avez-vous bien prononcé le H aspiré de hungry? C'est le même que celui de hot. Beaucoup de Français font en effet l'erreur de ne pas prononcer le H de hungry et du coup on entend hungry, qui peut être confondu avec angry, A-N-G-R-Y, qui veut dire fâché, en colère. C'est une erreur de prononciation typique. Alors si vous voulez sortir du lot et ne pas créer de malentendus, parce que c'est tout de même pas la même chose de dire j'ai faim et je suis fâché, veillez à bien aspirer ce H, hungry. Alors pour parler de l'âge de quelqu'un, on emploie aussi le verbe to be, là où en français on utilise avoir. Par exemple, pour dire il a 3 ans, en anglais on dira il est 3, avec 3 qui se dit 3, c'est-à-dire he is 3. He is 3. T-H-R-2-E. Oui, c'est tout simple. Alors on peut dire aussi he is 3 years old, c'est-à-dire il est 3 années vieux. Et pour demander l'âge de quelqu'un, on dira how old is he? How old are they? Etc. Donc là aussi, toujours avec le verbe to be. Alors, comment demanderez-vous à quelqu'un quel âge avez-vous? How old are you? Oui. How old? How? H-O-W et old? O-L-D. How old are you? Alors, nous avons déjà vu comment dire avoir raison. C'est to be right. You're right. Donc, to be right, avoir raison, et le contraire, avoir tort, ce sera to be wrong. W-R-O-N-G. Alors, comment direz-vous, je crois que vous avez raison et j'ai tort? I believe that you are right and I am wrong. I believe that you are right and I am wrong. Alors, voici une autre expression avec « avoir » en français, mais « to be » en anglais. C'est « avoir de la chance ». Ça se dit « to be lucky », mot à mot « être chanceux ». Lucky, L-U-C-K-Y, est dérivé de « luck », la chance. Donc on retrouve ici notre bien pratique « transformation ». Alors si 4 se dit « four », F-O-U-R, comment direz-vous « tu as de la chance d'avoir 4 beaux enfants » Vous connaissez déjà le pluriel un peu particulier de child, enfant. Alors à vous de jouer. Tu as de la chance d'avoir 4 beaux enfants. You are lucky to have 4 beautiful children. You are lucky to have 4 beautiful children. Children. Et maintenant, avoir peur se traduit par to be afraid. A-F-R-A-I-D. Être effrayé en quelque sorte. Ok, alors comment dira-t-on « je n'ai pas peur d'être seul » I'm not afraid to be alone. I'm not afraid to be alone. Et moi non plus, mais c'est parfois bien agréable d'avoir de la compagnie quand même. It's good to have company. Bien, alors jusqu'ici nous avons vu comment « avoir » et parfois « faire » peuvent se traduire par « to be ». Alors, il y a une autre difference sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est quand le verbe prendre est rendu par le verbe to have. En français, par exemple, on dit « je prends mon petit déjeuner à 7 heures », tandis qu'en anglais, on dira quelque chose comme « j'ai petit déjeuner à 7 heures ». « I have breakfast at 7 o'clock ». Alors ici, « watch out », puisqu'avant les noms de repas, on nommait « the », donc on dit « I have breakfast ». Bien. Alors, vous êtes dans un bar et vous voulez offrir un verre à un ami. Comment direz-vous « qu'est-ce que tu vas prendre ?» What are you going to have? What are you going to have? Et qu'est-ce que tu prends? What are you having? What are you having? Et de la même manière, si je vous dis que prendre une douche, c'est to have a shower, comment direz-vous, je prends toujours une douche, puis je prends mon petit déjeuner? Alors voyons, je prends toujours une douche, avec toujours qui se traduit always, A-L-W-A-Y-S, à placer avant le verbe. I always have a shower. I always have a shower, oui. Puis, qui se dit then, T-H-E-N. Puis, je prends mon petit déjeuner. Then I have breakfast. I always have a shower, then I have breakfast. Mais Vincent, vous qui êtes américain, vous ne diriez pas « I have a shower », mais plutôt « I take a shower ». C'est ça, « to take a shower ». Donc, côté britannique, on a une douche. Et côté américain, eh bien, c'est comme en français, on prend une douche. Ok, alors avant de poursuivre, vous pouvez faire une pause, « have a break », à moins que vous ne soyez partant pour encore un peu plus de vocabulary.